C'est un jour de deuil, jour de deuil. C'est un jour de deuil, jour de deuil. La terre a perdu un homme. Il est parti tout seul et nul ne sait comme il se nomme. C'était le sans-ami, le sans-famille, le sans-abri de mon quartier qui squattait juste à l'entrée de mon supermarché. Toujours fidèle au rendez-vous, il m'inspirait, oui, le petit coup que l'on a pour les ratés coups. Avec son air vitreux et ses habits de misère, j'étais bien prétentieux, je ne l'ai compris qu'hier. Non par envie d'offrir, mais par besoin de bien dormir. Sans vraiment y penser, je lui ai tendu un euro. Sur ce, il m'a demandé si j'étais un homme heureux. Surpris, rien ne sortit, je pris ses mots comme des orties. Comment cet étranger pouvait oser me déranger, le laissant sans réponse dans un silence assassin. Je m'enfuis dans le magasin, liste de courses à la main. Tout d'abord concentré sur mes achats. D'un coup je me sentis face aux produits comme un poisson face à l'appât. Genre la prise de conscience qui vous abat. Et deux trois rayons plus tard, la question du vieux monsieur me rattrapa. Le revoyant assis sur le muret des habitudes, son image m'apparut comme un reflet de ma solitude. Moi cet homme marié, cet ingénieux propriétaire d'une gigantesque villa, je me suis mis à douter d'avoir voulu de cette villa. Car si je possède tout, le feu, la braise et puis le bois, mon Dieu, qu'est-ce que j'en suis devenu froid. Une fois de retour face à l'odeur de mon trou plan, sentant souffler le vent de l'hiver, je lui ai tendu mon vieux blouson en cuir vert avant de m'en aller, gorgé de remords avalés. Et voilà ce matin devant ce même magasin, devant cet ambulancier qui vient juste de m'annoncer la terre a perdu un homme et nul ne sait comme il se nomme. Et c'est donc la pauvreté, on peut la trouver partout, partout, partout. Et surtout, moi je trouve que la quête de l'argent mène souvent à une pauvreté spirituelle énorme, obsédée par l'argent ou par les choses. Je menais un train de vie semblable à celui de tant d'autres. J'avais du fric, une belle famille, on pourrait dire un parcours sans faute. Ces mecs en costard, Mercedes haut de gamme, bah j'étais l'un des leurs, ouais j'étais ingénieur. Je passais des heures au taf et parfois je restais au bureau le soir. Ma femme elle reprochait, voulait simplifier mes horaires, mais moi trop bête, j'enchaînais la tête. Où je me mettais en colère, elle non plus n'était pas tante. Claquait la porte en s'en allant avant de réclamer des vacances. La décadence de mon couple survint un putain de mois d'août. Entretien avec le patron parce que la boîte coule. Il m'explique avec son charabia pourquoi on me licencie, pourquoi mes services ils s'en privent et pourquoi je devrais partir sans prime. Du coup je rentre ivre, évite de dire à ma femme que je n'ai plus de travail. Je la laisse vivre, mes humeurs macabres. Ouais je faisais mille d'aller bosser, mais je claquais un paquet d'oseille. Toutes nos économies sont passées en sky et rosé. Je pouvais pas me raisonner, non j'ai rien fait pour améliorer notre relationnel. Jusqu'au jour où je trouve madame étonnée, c'est là que j'ai grave déconné. Quand elle a haussé le ton, moi j'ai levé la main, j'ai fait sa crainte. Je me demandais pourquoi divorcer. Au tribunal j'ai pas pu le croire, elle gardait tout. De par les coups que je lui ai donné, j'ai juste gagné 2 mois d'écrou. La suite est assez floue, j'ai rencontré divers drogues. Je pensais je méritais d'être mort, je me suis laissé aller à une vitesse folle. À ma sortie j'étais bien loin de mon petit appart cosy. Ouais je suis plus rien à part un minable alcoolique qui juste bon à tendre une patte, m'en dit devant les grandes surfaces. Me rappelant mon histoire, je regarde les gens qui passent et ressasse mes erreurs, la récolte de ma froideur que je pourrais comparer à celle de tous ces messieurs, à celle de celui-ci même avec son blouson de cuir vert, à qui je demande une petite pièce et vois son regard qui se perd. Et quand je me suis retrouvé à la rue, il a fallu que je trouve un coin où aller dormir, que je m'adapte. Ce qui n'est pas une chose de facile en soi.